Ce vendredi, à la vie en BD, les carnets de thèse et l'enfer de la rédaction du doctorat avec Tiffaine Rivière. Un regard sur une série, une collection de BD patrimoniales avec Michel Villot et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, dernière édition de la saison 2014-2015 de CKRL 89.1. Dernière émission avant la pause estivale qui s'en vient. Évidemment, on espère bien et on sera assurément de retour en septembre pour une quatrième saison de cette émission, de ce magazine entièrement dédié à l'univers du 9e art. Et on le dit d'entrée de jeu, on fait deux entrevues pour bien clore la saison. Ben notamment, enfin, on aime bien ça quand des auteurs européens sont ouverts à veiller tard, si on peut dire, pour jaser avec nous. Eh ben, ce sera possible cette semaine avec Tiffaine Rivière, qu'on rejoindra tantôt en direct d'un festival auquel elle assiste en Italie. Question de lui jaser un peu de sa BD Carnet de thèse, une première BD de sa part qui revient sur l'expérience de rédaction doctorale et les défis qui sont associés également à ce type d'expérience. Alors, une BD fort sympathique dont on est bien content de pouvoir vous parler d'ailleurs de manière un peu plus approfondie. Alors ça sera tout à l'heure, si Dieu le veut. Également, en deuxième partie d'émission, un autre truc dont on voulait absolument vous parler avant de partir en pause. Eh bien, c'est une collection qui a été lancée par les éditions Mémoire, qui s'appelle la collection Chronographe. Donc, c'est Michel Villot, chroniqueur BD, historien BD, j'ai envie de dire, qui a été, en collaboration avec Jean-Dominique Leduc, creusé dans des archives, qui a restauré des bandes dessinées qui avaient été littéralement oubliées, mises de côté, jamais rééditées. Notamment, il y en a une qui a été éditée une fois en 1901, qui n'a jamais été éditée depuis. Donc, c'est la première fois, essentiellement, qu'elle ressort de ce tirage initial. Alors, un exercice quand même assez intéressant. Et un regard aussi sur l'histoire québécoise de la BD, sur quelques contenus originaux. Alors ça va être en deuxième partie d'émission. Évidemment, sinon, la planète BD qui continue de tourner, et notamment un prix qui a été remis, prix SNCF du Polar 2015, pour lequel le public français a voté pendant 9 mois, eh bien, ils ont été décernés dans la catégorie roman, court-métrage et bande dessinée. Et pour cette dernière catégorie, le prix de l'édition 2015 revient à Rouge Karma, dédié Simone et Pierre-Henri Gaumont, chez Sarbacane, pardon. L'album raconte les tribulations d'une Française enceinte jusqu'aux dents, qui débarque en Inde à la recherche du père de son enfant qui ne donne plus signe de vie. Devant la mauvaise volonté des autorités indiennes, elle va mener l'enquête aidée d'un sympathique chauffeur de taxi. Et ben, puisque ça devient aussi toujours des chouettes suggestions de lecture, les autres albums en lice, c'était Quatre couleurs de Blaise Guinin chez Vroom, Docteur Radar, tueur de savants de Frédéric Bézian et Noël Simsolo chez Glénat, L'Astragale d'Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Richberg chez Sarbacane, et enfin Une affaire de caractère de François Hérol chez Delcourt. Sinon, je voudrais faire aussi au Facebook de l'émission, facebook.com/lavieenbd, si vous voulez voir l'affiche du film Paul à Québec. Elle a été dévoilée via la Presse Plus, qui agit un peu à titre de partenaire de promotion du film. Et évidemment, tout ça accompagné d'un article aussi pour expliquer un peu l'histoire derrière l'affiche, dans laquelle Rabagliati raconte que la commande n'a pas été si simple que ce qu'on aurait pu l'imaginer, dans la mesure où, dans un objet promotionnel aussi important, eh ben, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'approbations. Et lui a décidé d'aller vers quelque chose de relativement simple qui, selon lui, ben, permet de voir la juxtaposition de l'univers dessiné et de l'univers cinématographique. Donc, une espèce de composition de corps dessinés avec des visages photographiés et des gens heureux. Et ben voilà, donc une affiche et un film surtout qu'on attend quand même pas mal. Et ça, ben, c'est dans notre besace pour septembre, justement. Et puisqu'on parlait d'adaptation scénique et d'adaptation cinématographique, eh bien, adaptation scénique, ben, semble-t-il que c'est un défi qu'a décidé de relever Marion Bello, une jeune metteur en scène qui a achevé ses études de récemment à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Elle a décidé d'adapter Blast, de Manu Larsonnet quand même en spectacle de marionnettes. Alors, ça va s'appeler Grosse Carcasse et ça présente Polza, malheureux héros obèse incarné par une marionnette habitée. Quand les deux policiers qui l'interrogent et d'autres éléments du récit s'animent sur le rideau d'un théâtre d'ombre. Alors, ben voilà, bien curieux. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, ces genres de trucs qui voyagent pas beaucoup, malheureusement. Autre truc qui, par contre, celui-là, on va peut-être réussir à le voir à tout le moins sur le web. Les humanoïdes associés qui ont signé un accord avec les maisons de production Full House et Jetta Vanna pour deux adaptations. Alors, il s'agit tout d'abord des zombies qui ont mangé le monde. Alors, de Jerry Efrison et Guy Davis, depuis qu'ils se sont mis à quitter leur tombe, les morts pourrissent la vie des vivants qui n'ont qu'une seule envie, se débarrasser d'eux. Et évidemment, l'histoire qui tourne un peu autour de ça. Ça sera Anouk Whistle et François Simard qui vont faire l'adaptation, c'est eux qui avaient fait aussi Turbo Kid. Et Bouncer aussi, le western Alejandro Jodorowsky et François Bouc, qui va être réalisé par l'italienne Florida Sigismondi, qui est faite de Runaways. Et il y a enfin Je suis Légion de Fabien Nuri et John Cassaday sur l'histoire d'une fillette de 10 ans capable de contrôler les esprits en pleine Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est à l'étape du scénario, c'est des conviés à Richard Stanley qui a fait Hardware, le casting également, et commencer, là on verra, donc quelques déferlantes du côté des humanoïdes associés au fil, donc normalement de la prochaine année, voire des prochaines années. Alors voilà, sinon en musique cette semaine, mais c'est la formation 10N Tracer qui nous accompagne, on en écoute immédiatement un premier extrait. Voilà, donc, pièce intégrale de T.N. Tracer sur les ondes de CKRL sur l'album Dark Before Dawn. La pièce s'appelait 8 Vic Day. Et maintenant, avec nous, au bout du fil, pour discuter, pour échanger sur la bande dessinée Carnet de thèse disponible aux éditions du Seuil, ben, on est en compagnie de Tiphaine Rivière. Bonjour. Bonjour. Et enfin, on vous rejoint en direct d'Italie pour parler de ce livre qui témoigne bien de la dynamique du travail de thèse, surtout dans le contexte des sciences molles, des sciences humaines, si on peut dire, de la littérature, si on veut être précis, des moments de détresse, des moments de procrastination, de l'incompréhension, etc. Qu'est-ce qui vous a amené un peu vers ce sujet-là lié intimement à une expérience vécue de votre côté? C'est parce que je me suis mis à la bande dessinée juste après avoir arrêté ma thèse, donc et logiquement je me suis orientée vers cette expérience. Et j'ai commencé par ouvrir un blog où j'ai raconté les histoires d'un de mes personnages, et comme il a bien marché, après il y a une maison d'édition qui m'a proposé d'en faire un livre en racontant l'histoire d'un thésard du début à la fin. Et comme pour moi c'était une super opportunité, je me suis arrêtée sur ce sujet. Oui, ça permet de rentabiliser l'expérience de thèse aussi. Ouais, voilà. Comme j'ai jamais réussi à finir ma thèse, là je me suis dit bon bah c'est bien, je peux faire une BD de 200 pages, au moins on va pas penser que je suis velléitaire. Et de ce que j'en avais lu, c'est une question de passion justement qui vous avait amené vers la thèse et qui vous en avait fait sortir. Et j'étais tombé sur une entrevue où vous disiez ben vous vous étiez dit à un moment donné, tant qu'à être pauvre, autant mieux le faire, être pauvre en faisant de la BD. Exactement. Bah oui, parce que finalement, faire de la BD ou faire un livre, c'est un peu les mêmes conditions, c'est que c'est pas payé du tout. Enfin, pour faire la bande dessinée, par exemple, il y a un avaloir qui est de 5000 euros pour 2 ans de travail. Donc, c'est pas beaucoup mieux payé qu'en thèse. Et il y a un éditeur qui vous suit de loin en loin jusqu'à la fin, et c'est un peu pareil que le directeur de thèse, et c'est un travail long, un peu solitaire. Et du coup, c'était drôle le parallèle entre les deux. Sauf qu'à la fin, il y a des gens qui le lisent. Et en même temps, ce qui est assez drôle d'une certaine façon aussi, moi j'essaie de voir un peu le cocasse de la situation, c'est que d'un côté, vous avez 3 ans de thèse, mais finalement, ça fait d'une certaine façon presque 7 ans que vous travaillez sur l'univers de la thèse, sur l'univers du doctorat. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une certaine façon, vous êtes lancé sur ce sujet-là, donc d'abord avec le blog. Est-ce que c'était un peu par désir, justement, de raconter différemment aussi cette expérience-là, de revenir où il y avait tellement, justement, de matériel, soit dans votre expérience personnelle, soit dans des expériences partagées, que vous vous disiez, OK, il y a personne qui s'est lancé, mais pourtant, là, il y a tellement à dire? Oui, oui, c'est sûr. Enfin, en fait, c'est beaucoup de personnages. L'université, c'est beaucoup de personnages différents à raconter. Et ça me paraissait vraiment, vraiment riche. Et j'ai travaillé dans l'administration là-bas pour financer ma thèse à un bureau dans lequel les doctorants venaient dès qu'ils avaient un problème pour que j'essaye de leur résoudre. Et du coup, pour moi, le doctorat, ça paraît encore plus compliqué parce que tous les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui avaient des problèmes justement avec leur directeur ou des problèmes de financement, etc. Et du coup, j'avais une immense galerie de personnages à raconter. Et pour moi, c'était vraiment intéressant d'essayer de le synthétiser dans une histoire. Surtout que effectivement, il y a personne qui avait écrit sur la thèse, sauf PhD Comics, qui est très très drôle, mais qui est plus sur les sciences dures, où c'est des gens qui travaillent beaucoup, donc du coup c'est difficile, etc. Mais ils n'ont pas le problème de reconnaissance sociale. Ce qu'ils font, c'est reconnu, ça intéresse les gens, etc. Alors que en sciences humaines, c'est vraiment une traversée du désert. Personne ne comprend ce qu'on fait. C'est assez bizarre. Oui, et c'est quelque chose qu'on ressent bien dans le livre, et vous avez mis aussi en exergue à un moment donné où, dans un dîner de famille, il y a quelqu'un qui fait des sciences pures et qui vient parler de son expérience. Tout le monde est fasciné, mais personne comprend ce qu'on fait en littérature dans le contexte d'un cours comme celui-là. L'idée, c'est un peu de présenter de manière humoristique, dans le fond, cette expérience-là. J'imagine d'un côté pour les universitaires qui rient jaune, et de l'autre côté pour le grand public qui découvre avec humour un peu les difficultés qu'un thésard va retrouver. Ouais, au départ, c'était pour que les thésards puissent le donner à leur famille, pour dire « moi, j'arrive pas à te raconter ce que je vis, donc lis ça et tu comprendras. » Et du coup, ça, en France, ça fait 2 mois qu'elle est sortie, donc du coup, on a eu pas mal de retours, et effectivement, les thésards, ils l'offrent beaucoup à leur famille, ou alors leur famille l'achète. Mais il y a certains thésards qui disent que ça les a déprimés parce que ils rient vraiment jaune, parce que c'est leur expérience, et ils se rendent compte que c'est pas évident. Oui, et vous le dites d'ailleurs, à un moment donné, je pense que c'est 60% des gens qui amorcent une thèse de doctorat en littérature qui vont décrocher en cours de route, donc c'est pas un cas unique, et si on peut dire, les défis qui sont racontés là-dedans sont pas uniques à votre expérience ou à ceux que vous avez côtoyés. Non, ouais. Enfin, je sais que c'est pas unique, après il y a beaucoup de gens qui le vivent de façon très positive, et puis même là je le raconte, c'est toujours plus drôle de raconter quelqu'un qui tombe dans toutes les embûches que de raconter quelqu'un qui va bien, et donc là... on rit beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il peut lui arriver quelque chose, ça lui arrive. Mais moi, j'étais contente de faire une thèse et tous les gens que je connais, ils regrettent pas de l'avoir fait après coup, en fait. Parfois, quand on est au plein milieu de sa thèse et qu'on sait pas trop comment s'en sortir, c'est pas forcément une période très épanouissante. Mais après coup, je connais peu de gens qui disent qu'ils auraient voulu ne pas la faire. Parce que c'est comme, je sais pas, faire un marathon, par exemple. Y a des moments où on est épuisé, etc. Mais c'est parce que c'est dur que si on va plus loin, on se dépasse, il y a quelque chose de très fort là-dedans aussi. Oui, enfin, on vit de ça littéralement pendant 3, 4, 5 ans. Oui. Et en même temps, c'est ça un peu l'idée aussi, à travers la présentation, de voir un peu, évidemment, le côté Loine Murphy, comme vous dites, Tiffany Rivière, ou votre personnage, mais tout ce qui peut lui arriver de mal va lui arriver. Et en même temps, le côté humoristique, je parlais de rire jaune, mais aussi, on rit franc aussi là-dedans, à travers les personnages, à travers justement cette galerie-là que vous avez choisi d'animer. J'imagine là-dessus, est-ce que le blog a beaucoup aidé pour essayer de cibler, de cadrer un peu le type de personnage qu'on voulait intégrer, ou est-ce que quand même dû avoir pas mal de travail d'appropriation aussi des personnages, de voir un peu leur place aussi dans cette narration-là? Le blog, ça aide vraiment beaucoup. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien de passer par un blog avant de commencer l'histoire, parce que on voit à quel personnage les gens s'attachent et qui est-ce qui peut être un personnage principal et qui est-ce qui peut pas l'être. Et aussi, moi, si j'ai écrit une histoire un peu catastrophiste, là, c'était parce que les gens, plus je racontais un directeur qui lit rien, par exemple, qui suit pas du tout ses étudiants, plus ils étaient contents et plus ça les faisait rire. Et du coup, j'ai accru encore ça en faisant un directeur qui vraiment lit rien et que c'est sa personnalité d'essayer de neutraliser ses étudiants, de s'enfuir, etc. Et ça, c'est vraiment parce que j'avais déjà construit ce personnage dans le blog que après je l'ai construit comme ça. Parce que sinon, moi, j'aurais essayé de faire quelqu'un de d'un peu plus tempéré, qui aurait lu, pas lu, on sait pas trop. Là, je me disais, bah, tout le monde a envie de lire une caricature et je vais y aller à 200% là-dedans. Oui, puis en même temps de pouvoir s'approprier à travers un peu je dirais pas le stéréotype, mais de créer un stéréotype dans certains cas ou de s'inspirer de stéréotypes académiques. Un peu la même chose avec la secrétaire aussi, qui j'imagine a passé un peu par le même traitement, la même évolution. Ben, la secrétaire, c'est un peu plus spécial parce que comme c'est un travail que j'ai fait, en fait, c'est par elle que j'ai commencé le blog. C'est que j'ai fait ce travail et j'étais vraiment comme elle à certains moments parce que c'est un boulot qui était très monotone et répétitif. Et du coup, j'avais aucune motivation et parfois j'avais l'impression de faire 500 kilos, d'entendre le téléphone sonner et dire allô. Et un jour, j'ai dit la phrase qu'on déteste entendre chez une secrétaire, c'est ah non, chez nous, c'est pas chez nous, ça, c'est au service validation transfert, mais ils sont fermés le jeudi. Et ça veut dire que au moment où on se rend compte qu'on s'est transformé en secrétaire aigri et sinistre, je me suis dit il faut que je commence à dessiner ça et pour exorciser un peu le boulot. Donc je l'ai dessiné et tout le monde m'a dit ah mais je la connais, c'est la postière du 15e arrondissement, c'est la secrétaire de l'université Paris Sud et tout ça. J'avais l'impression d'avoir touché un stéréotype parce que plein de gens croyaient qu'ils avaient vu qui j'avais dessiné, alors qu'en réalité c'était juste moi en gros. Et à travers ça, j'ai l'impression que c'est l'université aussi, dans sa pompe, qui est caricaturée aussi, qui devient le lieu lui-même, dans le fond, qui tombe aussi dans une certaine vision humoristique, justement, caricaturale. Oui. Et j'imagine que ça a été assez sympathique à voir, à construire, à essayer justement d'identifier les travers, d'identifier les excès, si on peut dire, à peu près ça, de les magnifier, de les développer sur papier pour créer cet univers-là un peu parallèle, qui ressemble au nôtre, mais qui est un peu parallèle au nôtre dans sa folie aussi. Bah oui, c'est toujours drôle, en fait, de limiter, de synthétiser des personnages à, par exemple, donc du coup, le directeur de thèse. Si jamais je le définis comme quelqu'un qui a que une manière d'exister dans la vie, c'est de ne pas lire ce que les étudiants leur donnent. Ça crée une sorte d'humour que j'aime beaucoup quand je le lis ailleurs. C'est en fait comme ça devient absurde à un moment, je trouve que ça déclenche un rire très franc. C'est comme la secrétaire, en fait, ça a l'air d'être tellement horrible pour elle de surmonter son travail, etc. Ouais, je sais pas. Enfin, je trouve ça intéressant de travailler sur des caricatures. Je sais pas comment expliquer, en fait. Et en même temps, à travers ça aussi, j'imagine qu'il y avait un certain défi à travailler sur un univers qui essentiellement se déroule dans des universités, dans une classe, dans un appartement, et en même temps pour pouvoir aussi permettre aux lecteurs, en fait à nous, de bien percevoir, bien comprendre aussi l'ampleur de la situation. Et vous avez développé des métaphores qui nous transportent aussi dans d'autres contextes. Exemple, une conférence qui est mise en parallèle à une bataille médiévale, d'une certaine façon. À un autre moment donné, on y va avec un chien qui cherche l'affection, qui est mis en parallèle avec le thésard qui cherche justement l'attention de son directeur de thèse. Donc, de jouer un peu comme ça pour trouver des manières, j'imagine, d'un point de vue visuel, pour développer un peu, enrichir cet univers-là, enrichir la compréhension qu'on en a. Oui, ça c'est, je trouve que c'est deux choses. C'est la première, c'est que quand on est dans un univers de bureau, on sait que ça va être ennuyeux à dessiner pour le dessinateur, enfin pour moi, et c'est ennuyeux à lire pour un lecteur, donc il faut essayer d'avoir le plus d'univers différents pour que ce soit pas 200 pages de d'amphithéâtre et de salle de classe. Et l'autre chose, c'est que souvent, en fait, quand on vient de la littérature, quand on veut décrire un phénomène, on va mettre plein de textes, mais dans une bande dessinée, s'il y a trop de textes, c'est pénible à lire. Et ça écrase l'image. Donc du coup, si on veut exprimer quelque chose, on est obligé de trouver une métaphore visuelle pour la dire, parce que c'est pas possible de l'exprimer par des mots. Et moi, ça, j'aime beaucoup trouver la métaphore, le parallèle, qui fait que en en une page, on a compris très vite les émotions d'un personnage ou la réalité d'une situation par un parallèle qui est plus parlant qu'une page entière de dialogue. Et on le voit aussi, un autre exemple que je donnerais, c'est la rédaction de la thèse elle-même, où au début de l'album, c'est le beau château magnifique, et plus ça va, ben plus le château devient un truc de gouache un peu douteux, mais qui ressemble à un château, donc de voir un peu l'évolution de la perception du travail aussi, ça nous met dans l'état d'esprit de votre personnage finalement. Oui. Et tout ça, est-ce que c'est, en fait, c'est votre première BD, et le blog, c'était un peu votre premier blog, vous avez fait un peu l'apprentissage aussi du médium à travers tout ça? Oui. Après ma thèse, j'avais décidé de faire de la BD, mais je savais pas encore dessiner. C'est juste que j'avais commencé à faire quelques planches pour des amis comme ça, et je me suis aperçue que j'avais vraiment bien aimé ça et j'avais envie de continuer là-dedans. Et du coup, pendant un an, j'ai travaillé vraiment, mais beaucoup, enfin, je sais pas, 10 heures par jour avec un ami pour apprendre à dessiner la BD, pour faire bouger les personnages dans l'espace et tout ça. Et quand j'ai ouvert ce blog, c'était aussi pour m'entraîner, apprendre à dessiner, voir comment les gens réagissaient. Et parce que quand on met des dessins sur Internet, il y a des gens qui vont tout de suite réagir, donner des conseils et faire des critiques. Mmh. Et c'est possible de le faire de façon anonyme. Donc j'avais pas besoin d'assumer que c'était moi qui le faisais. Donc je me suis dit, je vais avoir des critiques, des gens qui vont me dire ça c'est moche pour telle raison, ou tu fais telle erreur. Et je me suis dit que ça m'aiderait à progresser. Et c'est vraiment le cas parce que comme c'est anonyme, tout le monde, et que les gens sont anonymes aussi, les gens n'hésitent pas à être très francs et à dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment on devrait procéder, comment on devrait s'améliorer, etc. Et c'est pas mal. Et en parallèle, est-ce que l'expérience aussi de travail d'études en littérature vous a aidé? Parce que si je ne me trompe pas, votre projet de thèse était sur les procédés comiques, des processus d'identification aux personnages. Donc j'imagine que la base littéraire vous a donné un coup de pouce pour vous approprier aussi le médium BD. Oui, énorme, oui. En fait, enfin, mon sujet, c'était la représentation de la bêtise dans Belle du Seigneur. Et en fait, pour travailler sur la bêtise, il faut travailler beaucoup sur les procédés comiques et sur ce qui crée l'empathie ou pas chez un personnage. Et ça, pour construire une histoire du début à la fin, quand on a étudié la littérature, c'est vraiment une très très bonne école de scénario parce que si je connais les techniques de quelqu'un comme Albert Cohen par exemple, qui est un auteur vraiment génial, si j'arrive à les détourner en BD, si j'arrive à détourner des choses qui sont très drôles à l'écrit chez lui en images, alors c'est sûr que ça va rapporter quelque chose de plus fort que si je les connaissais pas en fait. Mmh. Et il y a plein de moments où je sentais que quelque chose que j'avais écrit ou que j'avais dessiné marchait pas très bien, où je me disais je vais appliquer des procédés humoristiques que j'ai étudié, et c'est vrai que parfois juste la technique ça change vraiment beaucoup en fait, ça permet d'être drôle à un endroit où on n'y arrivait pas. Oui, parce que dans le fond la bande dessinée c'est pas mal une affaire de rythme, c'est une affaire de concision, de précision, de synthétisme. Ouais. Et il faut savoir faire les bons choix dans le fond. Oui, il faut savoir faire des bons choix. Ouais. Bah après j'imagine qu'il y a un truc de, c'est une intuition qu'on a ou qu'on n'a pas, ou comme on a le sens de l'orientation ou le sens des maths, ou on doit avoir le sens du rythme et de l'humour, mais je pense que c'est beaucoup une question d'habitude. C'est que quand on a fait très attention à, quand on lisait les travaux des autres, à essayer de percevoir ça, à la fin ça finit par être intuitif, quand est-ce qu'il y a une case en trop ou pas, ou quand est-ce que cette histoire elle a le bon rythme. Ça veut dire que je trouve que à force d'avoir étudié ça, il y a un moment où, en tout cas, quand c'est le bon, on le sait, et du coup, on s'arrête. Alors qu'avant, c'est plus flou, je trouve. Et j'imagine que dans ce contexte-là, le fait de pouvoir développer des planches sur le blog au départ, et ensuite de prendre cet univers-là et de le transposer vers le livre en l'adaptant, en le développant, en l'amplifiant, en le traitant différemment, mais ça permet aussi deux apprentissages parallèles, ou de gravir une colline avant de gravir une montagne. Oui. Non, c'est sûr que moi je crois pas que j'aurais réussi à faire directement le livre, mais je me rends pas compte parce que j'ai fait comme ça, donc je sais pas, j'ai pas d'autres expériences en fait. Et à travers ça, évidemment, on parle beaucoup aussi de l'aspect humoristique de Carnet de thèse. Mais de Fernivière, j'ai l'impression aussi que, à travers les caricatures que vous mettez en scène, à travers la réalité aussi qui est derrière ce plan humoristique-là, il y a aussi toute la notion des luttes de pouvoir, si on peut dire, qu'on retrouve aussi dans le milieu universitaire, d'une certaine façon, que ça devient aussi, à certains égards, une critique des failles de ce système-là, ou des défis, des correctifs peut-être à apporter à ce système-là aussi. Oui. Mais après, ça c'est compliqué, donc du coup je me sentais pas vraiment capable de rentrer dedans plus précisément dans la bande dessinée. Je préférais rester juste du point de vue de la thésarde parce que je pense que l'université c'est très compliqué comment ça fonctionne. Donc j'avais peur de, ouais, de simplifier. Enfin, c'est juste que il y a très peu de postes et c'est difficile de les avoir. À partir de là, je pense que quand les gens arrivent et qu'ils sont très motivés par le savoir, l'univers de la recherche, etc., ils vont vite être ramenés à des questions beaucoup plus concrètes, qui est comment est-ce que c'est moi qui vais avoir ce poste pour pouvoir faire ce que je veux dans ma vie. Parce que si je me place pas bien, ben je j'aurai juste aucune place dans cet univers. Donc il y a ça favorise beaucoup beaucoup de rivalités, même entre thésards ou entre jeunes profs, entre maîtres de conférences, parce que la lutte est rude, tout simplement parce qu'il y a pas d'argent, pas de poste. Je parle en France, en fait, peut-être qu'au Canada c'est complètement différent. Ça je sais pas du tout, mais en tout cas en France il y a une lutte de pouvoir qu'on peut difficilement éviter parce que c'est la famine en fait. Et tout ça aussi avec l'idée, évidemment, bon, qu'on a bien conscience que tout ça est amplifié, comme vous disiez au départ, il y a l'idée de la loi de Murphy là-dedans où il faut que tout arrive pour, disons, rendre la chose aussi d'autant plus rigolote. Mais d'une certaine façon, l'impression pour moi, en fait, du moins, qui n'a pas fait de thèse de doctorat, je me dis, ça doit être un grand moment de solitude ces années-là. Oui, c'est un moment de solitude. En même temps, il y a des gens avec qui on le vit. Qui font des thèses en parallèle et avec qui on va à la bibliothèque tous les jours. Enfin, j'ai pas pu les mettre dans la bande dessinée parce qu'à un moment, ça faisait trop de personnages. Et comme c'est ma première, je maîtrise pas tout ce que je fais. Donc je les avais mis, mais ça compliquait trop l'histoire et du coup, je les laissais un peu seuls. Mais il y a aussi un truc où, quand on vit des choses difficiles et souvent, on rit beaucoup. Parce qu'on est plusieurs à plus en pouvoir, à craquer à des moments ou à essayer de surmonter des obstacles. Quand on les partage, c'est quand même des bons moments. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est solitaire parce que personne ne travaille sur le même sujet. Donc, on est tout seul avec son objectif. Et à travers le livre, à travers le blog, ben dans le fond, on retourne un peu dans l'esprit de ces beaux moments-là, finalement, parce que c'est devenu complètement un exercice de partage. Le blog? Le blog, le livre, dans le fond, toute l'expérience de thèse que vous avez faite, finalement, nous amène à ce partage-là. Ben pour moi, là, c'est vraiment drôle parce que les gens ont l'impression que j'ai raconté mon histoire. Et il y a des choses que j'ai vécues, mais c'est pas mon histoire, c'est pas ma famille, c'est pas mon directeur de thèse. Et du coup, les gens qui me parlent sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression que je me suis livrée, en fait, dans le livre, que j'ai vraiment parlé de moi, mes doutes, mes inquiétudes. Le classique de l'autofiction. Le classique de l'autofiction où la ligne devient difficile à tracer parfois. Ouais, exactement. Pardon. Et il y a plein de gens qui me racontent leurs histoires en me disant c'est dingue, j'ai vécu exactement comme toi ou il faudrait qu'on se rencontre parce que on a vraiment beaucoup de choses en commun, etc. Et du coup c'est drôle, moi j'avais jamais vécu ce truc là en fait de partage, mais par internet ou par un biais comme celui-là, c'est drôle et c'est étrange. Et on invite les gens, ben justement, à découvrir, peut-être à faire ces parallèles-là aussi, si on fait l'expérience du doctorat au Québec ou ailleurs. Et évidemment aussi, si on a envie de découvrir un peu cette vision-là, cet univers-là à travers votre humour. Donc, je rappelle que ça s'appelle Carnet de thèse, c'est aux éditions du Seuil. Et Tiffaine Rivière, est-ce que vous avez déjà un autre album sur le feu? Oui, mais j'ai pas trop envie d'en parler encore parce que j'ai pas encore signé le contrat et tout ça, donc ça peut encore changer. Donc, à suivre. Voilà. Eh bien, merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous ce vendredi. Merci beaucoup à vous. Au plaisir. Au plaisir, au revoir. Alors voilà, je rappelle donc Tiffaine Rivière qui était avec nous, auteur du livre Carnet de thèse. Nous, on prend une courte pause. À venir, on jase patrimoine avec Michel Viau. Lundi 1er juin, CKRL lance l'été 2015. Lance sa programmation d'été 2015. De 15h30 à 17h30, découvrez les nouveautés de la saison estivale lors de l'émission de lancement animée par Tania Beaumont en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tout de suite après, venez nous rejoindre pour rencontrer l'équipe de CKRL et profiter de la prestation de Jérôme Casabon en 5 à 7. Le lancement de la programmation d'été de CKRL, c'est un peu le lancement de l'été. Tous les soirs du 9 au 19 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Arthur H., Chocolat, Milk and Bone, Ponctuation, Lisa Leblanc, Bertrand Bélin, Colin James et bien plus. C'est chaud. L'imposante programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec, vous attend. Venez applaudir les artistes que vous aimez et faites de nouvelles découvertes dans une formule plus intime à l'Impérial Belle, au Petit Impérial et au Cercle. Dernière chance d'acheter votre laissez-passer au prix de 88 $, 98 $ à compter du 9 juin. Laissez-passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Canadian. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 50 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. 89.1 CKRL. Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Dernière édition de la saison 2014-2015 de La Vie en BD. Avant la pause estivale, je vous rappelle, nous serons de retour au fil de septembre. Et si vous voulez rester en contact avec nous, d'un côté, c'est possible via Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Simplement cliquez « J'aime ». On continuera à animer la page tout au long de la saison estivale. Et également, on sera un peu plus actif sur blog. Alors, survoir.ca/Raymond-Poirier, je me permettrai de vous partager quelques impressions, regards et moult rattrapages de lecture puisque les piles sont élevées et il y a beaucoup de trucs que j'ai lus dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler non plus. Alors, je profiterai de la saison estivale pour faire tout cela. Et sinon, vous pourrez aussi profiter de la saison estivale pour découvrir quelques lectures. Et on parle beaucoup de nouveautés, mais il y a aussi une série de nouveautés un peu plus anciennes qui viennent d'être éditées du côté des éditions Mémoire en édition numérique. C'est la collection Chronographe et qui est dirigée par Michel Viau, qui est avec nous au bout du fil pour nous en parler. Michel, bonjour. Oui, bonjour Raymond. Alors, peut-être d'emblée, l'idée de la collection Chronographe, c'est essentiellement une collection qui remet à l'ordre du jour, si on peut dire, et permet de rendre à nouveau accessibles des bandes dessinées qui étaient essentiellement oubliées du patrimoine québécois. Exactement. Il n'y a pas de tradition au Québec de réédition de vieux albums ou de bandes dessinées publiées dans les journaux. Donc, la plupart des bandes dessinées qui ont été publiées dans les années 10, 20, 30, 40, même 50 et 60 sont maintenant inconnues de la plupart des lecteurs. Donc, il y a seulement que les spécialistes là, qui s'intéressent à ces bandes dessinées-là. Et c'est dommage parce qu'il y a de très bonnes bandes. Et donc, le but de cette collection-là était de rendre accessible à nouveau des bandes dessinées qui avaient été éditées autrefois et qui étaient épuisées depuis longtemps, ou encore même de rassembler en volume numérique, parce qu'on parle bien d'une collection numérique, en volume numérique, des bandes dessinées publiées dans les journaux qui n'avaient jamais connu la publication en album. Et j'imagine que ça a nécessité quand même un bon travail justement pour aller creuser, pour aller retrouver les intégrales, les albums ou les droits dans certains cas aussi de publication. Pour le moment, les albums qui ont été publiés sont du domaine public. Okay. Il n'y avait pas de demande de droit à faire. Dans certains cas, la plupart viennent de microfilms, des microfilms de la Bibliothèque nationale, desquels j'allais extirper les bandes dessinées. Ça venait des journaux. Et dans certains cas, ce sont des livres. Il y a des livres que j'avais moi-même, que j'ai numérisés et que j'ai nettoyés. Donc, il y a une job de restauration là, à faire, un bon travail à faire, à partir d'une page en PDF, en microfilm, donc qui est une photographie, dans le fond, en noir et blanc, d'une page de journal, vieillie, donc jaunie, ça fait donc un fond gris. Donc, il faut tout restaurer ça pour rendre les blancs et tout ça. Donc, un travail de de restauration de la planche. Et ensuite, on fait un montage, on fait une nouvelle maquette et on fait un dossier. Mm-hmm. Pour chacun des titres, pour le moment, c'est moi qui les fais. Pour chacun des titres, je fais un dossier qui replace l'œuvre dans son contexte historique, d'où ça vient, à quel moment ça a été fait. Et aussi, je présente l'auteur, parce que souvent, l'auteur a été oublié. Donc, une petite biographie de l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait à part ça. Et dans certains cas, la notion, Michel Viaud, de biographie de l'auteur est chose complexe, parce que franchement, le cas des aventures du capitaine Morgan, oui. Techniquement, vous savez pas qui est l'auteur, donc on peut juste essayer d'analyser en fonction de la réalité historique et de qui était actif à l'époque, qui aurait pu dessiner cette BD-là. Effectivement, je pense avoir une très bonne idée de qui est l'auteur, mais il faut dire tout d'abord que c'est une bande dessinée de pirates qui a pas été signée. Donc, les aventures du capitaine Morgan, il y a le nom d'aucun auteur. On ne sait pas d'où ça vient. Ça a été publié dans plusieurs journaux. Mais par certains signes graphiques, et ce qui peut souvent trahir les dessinateurs qui ne signent pas leurs œuvres, l'écriture dans les ballons. Mm-hmm. Donc, à mon avis, ce serait Pierre Saint-Loup qui aurait réalisé cette bande-là, mais je ne peux pas le certifier à 100%. Ça pourrait être un autre auteur, et peut-être qu'il était deux même à le faire. On n'en a aucune idée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers exemples de ce que j'en ai compris de la bande dessinée d'aventure à la québécoise, dans la mesure où il y a eu une explosion, si on peut dire, dans les années 40, notamment avec Mandrake et le reste de la bande dessinée d'aventure à l'américaine. Oui. Et tranquillement, il y en a eu au Québec. Oui, effectivement. Aux États-Unis, c'est principalement pendant la crise économique. À partir de 1929, c'est là qu'est apparu Tarzan et Buck Rogers, là, en 1929. Au Québec, c'était un petit peu plus tard pour les bandes dessinées d'aventure. C'est en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu comme un changement de mentalité à ce moment-là. Il faut dire que les jeunes hommes étaient allés se battre en Europe, avaient donc connu un monde différent, avaient connu l'aventure, une aventure malheureuse, mais quand même une certaine aventure d'aller faire la guerre, et avaient donc vu du monde. Il s'était passé des choses. Fait que c'est donc après la Deuxième Guerre mondiale que les premières bandes dessinées d'aventure sont apparues dans les journaux québécois. La première, c'est Les deux petits nains de Paulin Lessard, qui est une histoire de science-fiction qui a été publiée principalement au Saguenay dans quelques journaux régionaux. Mm-hmm. Et ensuite, il y a eu plusieurs autres là, d'aventures policières, de pirates dans le cas du capitaine Morgan. Mais ça reste quand même assez rare, mais ça existe et tout le monde a oublié ces bandes dessinées-là. Donc, le but de la collection est justement de ramener ces séries, ces aventures, de les remettre de l'avant, de permettre à tous de pouvoir les lire. Oui, puis c'est intéressant dans la mesure où, justement, comme avec les aventures du capitaine Morgan, où on est dans les BD de piraterie, on découvre que des genres qui sont encore peu fréquents aujourd'hui, mais qui sont quand même exploités ou qui ont été explorés il y a longtemps. C'est le cas notamment du policier avec l'ineffable Monsieur Briand. Oui. Et dans ce cas-là, Michel, j'aimerais ça aussi que tu contextualises, parce que, dans le fond, c'est Radio Monde qui faisait des BD en général, et c'est une de leurs plus abouties, de ce que j'en ai compris. Oui, il y a eu plusieurs séries publiées. Radio Monde était un journal culturel qui parlait des émissions de radio. Hein. Il n'y avait pas encore la télévision. Là, on parle du début des années 50. Radio Monde existait depuis bien avant ça, mais le moment des bandes dessinées, c'est au début des années 50, 51, 52, 53. Donc, la télévision était pratiquement inexistante. Radio-Canada est arrivé en 52. Donc, c'était un magazine, un journal hebdomadaire qui se consacrait aux émissions de télévision, aux vedettes de la radio. Et ce journal-là adaptait en bande dessinée. Il y avait plusieurs bandes dessinées humoristiques qui adaptaient les émissions de radio. Soit qu'on prenait les animateurs tels quels, qu'on mettait dans des situations cocasses, soit qu'on prenait les personnages que ces animateurs-là pouvaient personnifier à la radio. Donc, il y avait plusieurs séries humoristiques, certaines en un strip seulement, certaines dans une demi-planche, d'autres une page complète. Et il y a eu un feuilleton policier, un seul, qui est l'ineffable Monsieur Briand. Ce feuilleton, c'était une adaptation donc en bande dessinée des histoires originales, en bande dessinée, adapté, inspiré par le feuilleton radiophonique qui était diffusé donc à Montréal. Et ce feuilleton radiophonique-là était lui-même une traduction d'un feuilleton américain. Okay. Oui, fait que c'était l'adaptation d'une adaptation. et tout ça dans un contexte où on se retrouve dans un genre donc, qui était peu présent à l'époque, puis dans un genre qui est assez abouti aussi dans sa maîtrise. Je pense qu'en fait, dans ta préface, tu fais référence notamment au spirit de Will Eisner. Tu parles d'une ambiance particulière à ce récit-là, évidemment, qui se transpose un peu aussi dans l'ineffable Monsieur Briand. Oui, ben en fait, le dessinateur, qui est encore une fois, c'est un dessinateur inconnu, un certain Jack Dare, qui signait aussi une bande dessinée inspirée de Willie Lamotte, le chanteur western. Il le signait à ce moment-là, Jacques Dare. Bon, on sait peu de choses de cet auteur-là, juste qu'il était actif dans Radio Monde pendant 2 ans, mais ce dessinateur-là avait vraiment un sens de la mise en page, du découpage qui était extraordinaire. Il y avait des prises de vue inusitées, au ras du sol, vers le haut, des angles très, très insolites. Qui ressemble un peu au spirit de Will Eisner, qui paraissait dans ces années-là aussi, et qui a une teinte là, d'impressionnisme allemand. C'est vraiment très particulier. J'ai rarement vu, et même encore dans la bande dessinée d'aujourd'hui, là, un dessinateur comme ça. Là. C'est très particulier. Oui, en fait, bien, surtout dans le contexte en plus où justement c'était un genre qui était encore vraiment en évolution, en construction, donc oui. Les expérimentations prennent encore plus de valeur, j'ai l'impression, et surtout venant justement d'un contexte assez inattendu comme celui-là. Ben oui, parce que les autres bandes dessinées qui paraissaient, qui étaient donc des bandes dessinées humoristiques, c'était très sage, tout le temps avec des petits personnages tout bien dessinés, et là on arrive avec ce récit policier-là, qui a des meurtres, des coups de poignard, avec des prises de vue étranges, là. C'était vraiment une BD qui détonnait là, dans les dans la production de l'époque. Là. Pas seulement de ce journal-là, mais carrément de l'époque. Et parce qu'en parallèle, justement, on peut faire le saut vers l'oncle Pacifique, où là, on se retrouve un peu plus, justement, dans un univers humoristique, un peu à la... c'est celui qu'il y avait dans les dans la telle et la terre agricole. Oui, Onésime. Onésime, voilà. Oui, c'est un peu... Oui, on peut parler quasiment que l'oncle Pacifique pourrait être l'oncle d'Onésime, d'une certaine façon, parce que là, on parle d'un villageois, c'est un personnage qui habite à la campagne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou, qui est vanteur, qui est fabulateur, qui invente des exploits là, incroyables, qui raconte ses aventures à ses neveux et nièces. Il y en a une foule de innombrables de neveux et nièces, et il est tout le temps en train de raconter ses exploits. Il est allé aux quatre coins du monde, il a à peu près tout fait, il s'est battu contre Tarzan, et donc, c'est un personnage de fabulateur, de mythomane, comme on retrouvait à cette époque-là souvent, je pense entre autres au Père La Débauche, qui était la vedette de la presse depuis les années 1907, au moment où Albéric Bourgeois qui avait repris le personnage. En 1907, Bourgeois en a fait une chronique illustrée où le Père La Débauche se promène dans le monde et donne des conseils au roi, au président, un peu partout dans le monde. Et là, on arrive avec l'oncle Pacifique, qui est encore pire que La Débauche. Même que dans la première planche de l'oncle Pacifique, c'est un duel entre La Débauche du journal concurrent et l'oncle Pacifique, un duel de vantardise que l'oncle Pacifique remporte haut la main. Et c'est assez particulier, j'imagine, dans le contexte de la compétition de journaux de l'époque, de reprendre comme ça le personnage d'un concurrent puis de dire ben le nôtre est meilleur. Oui, c'est assez inusité, effectivement. Le personnage de La Débauche était une icône à cette époque-là. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais c'était une icône. C'est un personnage qu'on a retrouvé un peu partout, c'est-à-dire qu'il a été interprété sur scène, parfois par Albéric Bourgeois lui-même, parfois par des comédiens. Il y a Elzéar Hamel, entre autres, qui l'a interprété plusieurs fois sur scène. Et il y a plusieurs disques de chansons et de monologues de La Débauche. Le personnage servait pour des publicités. Donc, c'était un personnage immensément connu. Et là, arrive Pacifique, puis qui dit « Non, c'est moi le fais de l'air, La Débauche, carrément. C'est ce qu'il lui dit à la fin. Fais de l'air. » Et je trouve que l'anecdote est d'autant plus parlante que comme tu le dis, toujours dans tes dossiers, c'était écrit par Vic Martin. Mais Vic Martin, c'est un pseudonyme de Pierre Saint-Loup qui, lui, travaillait justement, utilisait un pseudonyme parce que lui-même travaillait dans un journal concurrent à celui qui publiait à l'Oncle Pacifique. Exactement. Pierre Saint-Loup était le directeur artistique du magazine Le Samedi et aussi de la revue Moderne, publiée par un éditeur concurrent. Et donc, pour publier sa bande dessinée dans Le Samedi, ben, il utilisait un pseudonyme. Et ce même Pierre Saint-Loup-là, qui utilisait un pseudonyme, serait peut-être l'auteur du fameux Capitaine Morgan dont on parlait tantôt. Et parallèlement, on va aller dans une BD un peu plus ancienne. En fait, il y en a une qui a été publiée pour la première fois en 1901 et qui a jamais été rééditée depuis, En roulant ma boule, de Raoul Barré. Exactement. C'est un des premiers albums. Des cinq albums de Chronographe, c'est le seul qui a déjà été publié en album. Les autres sont toutes extraites de journaux. Mais En roulant ma boule a été publié, lui, directement en album en 1901. C'est un petit album que Raoul Barré avait fait publier à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste à cette époque-là. Donc, c'est des dessins d'humour sur le thème de la Saint-Jean-Baptiste. Mais il y a également deux histoires en images, avec un dessin par page, mais qui se suivent. On peut, d'ailleurs, je les ai reproduits en petit sur la couverture. Ça fait plus comme une bande dessinée. C'est une histoire en images. Deux longues histoires de 8 et 12 cases. Et ensuite, c'est des dessins d'humour. Et ce livre-là, qui a été, en fait, c'est un des premiers livre d'humour publié au Québec, avait jamais été réédité depuis. Oh, puis c'est quand même une belle trouvaille dans mesure de se donner l'opportunité justement de donner une deuxième vie à ce livre-là ou de au moins signaler que ça a existé. Puis en même temps, pour nous lecteurs, de voir aussi où en était le médium il y a plus de 100 ans, là, parce que ça reste dans les premières publications aussi, j'imagine, oui. hors journaux. Là. Tout à fait. Raoul Barré, lui, avait étudié la peinture en France et avait fait du dessin dans des journaux satiriques français. À l'époque de l'affaire Dreyfus, il avait fait quelques caricatures sur le sujet. Là, il prenait la défense de Dreyfus. Et quand il est arrivé au Québec, il a fait ce petit album-là. Et il est retourné en France par la suite. Il est revenu au Québec et il a publié dans la presse la fameuse bande dessinée Pour un dîner de Noël, que plusieurs spécialistes ont longtemps considéré comme la première bande dessinée publiée au Québec. On sait maintenant qu'il y en avait dans des journaux satiriques avant ça, mais pendant longtemps, cette bande dessinée-là, donc de Raoul Barré, a été considérée comme la première bande dessinée publiée au Québec. Par la suite, Raoul Barré est allé vivre aux États-Unis, est allé à New York, où il a ouvert un studio d'animation. C'est un pionnier du dessin animé. C'est un pionnier important du dessin animé. Il y a plusieurs de il a créé des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui, la règle à Ergo, entre autres. C'est Raoul Barré qui a inventé ça. Il est reconnu comme étant un pionnier là, important du dessin animé, de l'animation mondiale. Donc, quand même, et en même temps, ça montre aussi à travers ça, quand on feuillette, c'est la mentalité ou les éléments qui étaient à l'ordre du jour aussi à l'époque, d'une certaine façon. Puis il y a quelque chose quand même assez critique aussi autour de la fête, donc il s'en est quand même permis. Là. Oui, il se moque un peu des bourgeois, des gens qui vont là pour se faire voir. Des gens qui profitent de la fête pour faire du commerce et tout ça. Et ce qui est intéressant dans toutes ces vieilles bandes dessinées-là, que ce soit Brillant ou L'Oncle Pacifique ou En voulant ma boule, c'est justement de voir les mœurs de l'époque. Quand on lit les vieilles bandes dessinées de Timothée, de la famille Citrouillard, qui date de 1904, on voit comment les gens vivaient dans les villes à ce moment-là. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de roman urbain au Québec avant les années 1940. Le premier roman moderne, il y a eu quelques tentatives, mais le premier vrai roman moderne, ça a été Bonheur d'occasion, qui date de 1945. Sinon, la littérature, c'était une littérature du terroir, des Trente Arpents, des Maria Chapdelaine, tous des trucs qui se passaient en campagne. Mais la bande dessinée qui paraissait dans les journaux montrait comment les gens vivaient en ville, comment ils prenaient le tramway, quels étaient leurs loisirs, la mode vestimentaire. Fait que c'est ce qui est intéressant à découvrir dans ces vieilles bandes dessinées-là aussi. Et en parallèle, il y a aussi une adaptation que vous proposez, donc une adaptation BD d'un des textes fondateurs de la littérature québécoise et canadienne-française, Philippe Aubert de Gaspé avec les anciens Canadiens. Oui. Et une adaptation qui est beaucoup plus sage, si on peut dire, donc images et textes, là. Exactement. Parce que ça, c'était commandité par une association catholique. Et à cette époque-là, la religion catholique, le clergé rejetait la bande dessinée, qui était une création américaine. Donc c'était associé au mal, comme la danse, comme le cinéma. La bande dessinée avec des bulles était rejetée par le clergé, qui préconisait plutôt la façon européenne des histoires en images, c'est-à-dire un beau petit dessin et le texte, un bon pavé de texte, le 4-5 lignes de texte sous l'image, ce qui incitait les jeunes à la lecture. Supposément que la bande dessinée, c'était pas assez. La bande dessinée traditionnelle, là, comme on la connaît, avec des bulles. Donc, il préconisait la façon européenne, alors que l'Europe avait déjà commencé à ce moment-là à utiliser la bulle elle aussi. Mais le clergé catholique canadien-français rejetait cette forme-là. Et ce qui nous a valu donc une adaptation des anciens Canadiens, faite par Jean-Maurice Massicotte, Et qui respectait les préceptes moraux de l'époque. Exactement. Et c'est un des textes fondateurs. Et c'est l'Association catholique des voyageurs de commerce de Trois-Rivières qui a commandité ce feuilleton-là. Et ils ont commandité 6-7 autres feuilletons du même genre. Okay. D'ailleurs, il y en a un autre qui est en préparation, là, parce que des titres de chronographes, il y en a d'autres qui s'en viennent. Je travaille sur 3 autres titres. Il y en a un autre qui est commandité par l'Association catholique des voyageurs de commerce de Trois-Rivières, qui va être son chemin de Damas. Et il y a aussi, puisqu'on parlait de En roulant ma boule de Raoul Barré, on prépare une petite édition papier pour la Saint-Jean-Baptiste? Pratiquement, parce que ça devrait être prêt pour le début juillet. En fait, pour la Comic-Con, c'est une édition. Faut préciser encore une fois que les titres de chronographe, c'est des titres numériques, c'est des PDF seulement. Mm-hmm. Et à certaines occasions, Jean-Dominique Leduc, éditeur de mémoire, va faire une édition papier de certains titres, comme Monsieur Briand est sorti en papier. C'est une édition qui est vendue seulement lors d'événements, des événements de bande dessinée, ou bien sur le site de l'éditeur. Et on va faire la même chose avec En roulant ma boule, qui aura donc une deuxième vie en papier cet été. Et Michel Viaud, tu le mentionnais, donc tu travailles déjà sur d'autres albums de la collection Chronographe. Donc on peut s'attendre, si tout va bien, à des sorties biannuelles ou à des sorties en lot comme ça régulièrement ou des éditions? Ça va être des sorties régulières, peut-être à tous les 2 mois, il va y avoir quelques titres qui vont sortir. C'est pas les titres qui manquent, le patrimoine est très très très riche, il y a beaucoup de titres. Donc, du domaine public, mais j'aimerais ça aussi en sortir d'autres, là, peut-être d'auteurs des années 70 qui ont publié dans des revues, qui n'ont jamais eu d'album. Peut-être qu'on pourrait sortir en numérique, on peut se le permettre, on peut se permettre de sortir des plein de livres, là, ça coûte pas vraiment cher à faire. Donc, j'aimerais ça explorer aussi la possibilité d'éditer des livres d'auteurs plus récents. Et si les gens veulent les trouver, évidemment, mais c'est sur le web, simplement mettre dans votre moteur de recherche collection Chronographe Mémoire ou Chronographe Michel Viaud. Vous devriez tomber là-dessus assez aisément. Et effectivement, en fait, pour le prix, en fait, je le mentionne au passage, parce que pour justement le prix que vous lancez, vraiment, cette possibilité-là de plonger dans des trucs qu'on connaît moins de la bande dessinée québécoise. On a vu, bon, des rééditions des Pays d'en haut, de Nézim, d'autres titres incontournables, évidemment, mais de voir d'autres productions de cette époque-là, ça nous permet, au-delà de l'encyclopédie de la bande dessinée québécoise, l'index que tu nous avais offert l'an dernier, ça nous permet de voir un peu aussi, justement, à quoi ça ressemblait, la production à l'époque. Bien, c'est un peu un complément à ça, justement, parce que moi, je parle souvent de la bande dessinée. J'écris des textes ou des livres, des ouvrages sur l'histoire de la bande dessinée québécoise, mais je parle de choses que personne n'a vues. Alors, c'était un peu l'occasion de montrer ces fameuses bandes dessinées-là. Bien, si on les vend à un prix là, vraiment presque symbolique, c'est vraiment c'est pour montrer aux gens, voyez, qu'est-ce qui existait. Si ça vous intéresse de lire ces fameuses bandes dessinées dont vous entendez parler parfois dans des textes, ben ça, ils sont maintenant disponibles et vous pouvez les lire. Mais voilà, on lance l'invitation à l'aube de l'été. Michel Viaud, merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine, assurément. Ça me fait plaisir. Salut bien. Bye. Alors, je vous rappelle qu'on jase avec Michel Viaud, donc la collection Chronographe, collection qui est disponible aux éditions Mémoire. Et en route, dernière ligne droite de cette dernière émission de la saison 2014-2015 de CKRL, il me reste, mon Dieu, à peu près 2 minutes, tout au plus. J'avais sorti 2 titres dont je voulais vous faire mention, donc je le fais extrêmement rapidement. Simplement pour vous dire que si vous aimez Joe Sacco, il y a quelques mois de ça, il y a un journal d'un défaitiste qui est sorti, qui regroupe quelques-uns des premières bandes dessinées de Sacco, des courts récits satiriques qui décrivent notamment comment la façon par laquelle quelqu'un s'oppose à la construction d'une centrale nucléaire en époque causant une grève de la faim à son chat. Comment un cadre d'entreprise insignifiant finit par côtoyer les sommets de la société. Des anecdotes autobiographiques, donc vraiment un document intéressant qui nous permet de découvrir d'autres visages de cet auteur incontournable qu'est Joe Sacco. Alors, c'est chez Rackham si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Et autre petite suggestion avant justement la saison estivale, c'est Outcast, premier tome, nouvelle bande dessinée de Robert Kirkman, qui après s'être intéressé aux zombies, avoir remis au goût du jour aussi cet univers-là, eh bien là décide de le faire avec l'univers de la possession démonique et il décide de le faire un peu façon Walking Dead, donc ancré dans la réalité. Il ne fait pas un récit d'horreur mais un récit psychologique et le premier recueil qui vient d'être publié, ça fonctionne très très bien. Alors, je vous le recommande également sans autre considération. Alors, là-dessus, je vous souhaite un très bon été sur les ondes du 89.1. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre La Vie en BD tout au long de la saison estivale sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Vous pouvez continuer à me lire sur mon blog, voir.ca/raymond-poirier. Et ce sera évidemment un plaisir constamment renouvelé de vous retrouver en septembre prochain pour une quatrième saison de La Vie en BD. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.